As I set down these notes on paper, I'm obsessed by the thought that I may be the last living man on Earth. 7 versions, Cryptopsy, Violence, Last Rocket, Dragon Lord, Pestilence, Ventral, Urban Aliens, and more! Sylvain Latour, ici à la barre de Subversion, édition du 6 novembre 2015. Je serai avec vous pour la prochaine heure, jusqu'à 19h30, et évidemment jusqu'à 10h PM, pour ceux qui nous écoutent en reprise le mercredi soir. Donc, bienvenue et merci d'être encore avec nous sur Underground Québec. Ce soir, outre les nouveautés de Cryptopsy de Abyssal, nous aurons une entrevue avec Stephen Henry, aussi connu sous le nom de Lord Grand Sachet, alias Ho Henry de Urban Aliens, qui en profitera pour nous faire un petit historique aussi sur BCI et son grand manitou Stéphane Mellul dans le cadre du tout dernier événement BCI qui aura lieu au Corona le 13 novembre prochain, dont Urban Aliens feront partie évidemment avec Cataclysm en tête d'affiche. Et ce sera, oui, c'est un petit reportage en direct du musée du rock'n'roll, donc à ne pas manquer dans la deuxième portion, deuxième moitié de l'émission. Premier bloc, on aura Wargasm avec une reprise de Deep Purple. On aura aussi Last Rocket. Mais pour commencer, Violence de l'excellent album Eternal Nightmare de 1988, ma préférée de l'album. Bodies on Bodies. Vous écoutez Subversion sur Underground Québec Radio. I'm so delighted to see you again. I want you to get it. Orgasm, formation défunte de Boston avec une reprise de Fireball de Deep Purple tirée de leur EP Fireball de 1994 dont la pochette se trouvait être une espèce d'émulation du cover original de Deep Purple où on pouvait voir les membres projetés dans la stratosphère dans une boule de feu. Juste avant, on avait eu Last Rocket avec Force to Fight de l'album City's Gonna Burn de 1984. Formation qui avait vu le jour à Oakland deux ans plus tôt et qui s'est inspirée de leur nom de par une scène d'un film de Clint Eastwood, The Enforcer, où on voit Clint lancer une roquette et où on peut voir le... On s'en calisse finalement. Et au début du bloc, Violence, Bodies on Bodies de l'excellent Eternal Nightmare de 1988, à l'époque où la formation avait dans ses rangs les deux guitaristes de la formation actuelle de Machine Head, évidemment, Rob Flynn et Phil DeMille. Prochain bloc, un tournant plus extrême avec Licatia Flame de la République tchèque, Pestilence, mais avant Dragon Lord. Ce projet symphonique black metal de Eric Peterson de Testament, on se rappelle, ils avaient lancé leur premier album en 2001 et l'album était paru, Rapture en fait, était paru sur l'étiquette finlandaise Spine Farm et avait été mixé et masterisé en Suède, probablement afin d'optimiser la touche européenne du disque. Le black metal symphonique étant au début du nouveau millénaire, fort populaire avec les Dimmu Borgir, Emperor et compagnie. Je pense que cet album a été largement sous-estimé et vraiment au même niveau que ceux que je viens de nommer là, précédemment dans le genre. Oui, ça vaut vraiment la peine de réécouter ce très bon album de Dragon Lord, dont avec la pièce que j'ai choisie, Tradition and Fire. Vous écoutez Subversion partout sur la planète. Still face with my new chaos. aspirin smell like the same Satan. This is live action drama. And the winner is... Peter Frampton. I like to thank Satan, I like to thank Louis Armstrong, I like to thank Neil Young, I like to thank the Rollins Band, I like to thank Bob Marley, I like to thank the Marx Brothers, I like to thank Salvador Dali, I like to thank Louis Well, and there's Kiss Smith, there's Yellow, and I'd like to thank you too. Étrange mutation, Like a Tear in Flame de Prague en République tchèque avec To Give de l'album Elvin & Friss de 2000. Oui, ça vaut vraiment le détour, cet album-là. Étrange mais intéressant, je dirais que c'est un peu un mélange de la période chaotique, déjantée de Cataclysm, là, époque Temple of Knowledge, avec peut-être le côté sombre, romantique, à la limite, mélodique, de Depressy. c'est un projet qui existe, semble-t-il, toujours, mais c'est depuis 2009 qu'on n'a pas eu de nouvelles à savoir si il allait avoir du nouveau matériel. Donc, c'est à suivre. Et bon, avant, on avait eu Pestilence avec Sinister de l'album Doctrine de 2011, défavorisé par la critique, mais quand même une pièce intéressante, Sinister. Au début du bloc, c'était Dragon Lord avec Tradition and Fire du chef-d'œuvre Rapture de 2001. Comme annoncé précédemment, on aura une nouveauté de Cryptopsy, on aura aussi Urban Aliens et évidemment l'entrevue avec Stephen O'Henry. Semble-t-il qu'il faut aller en pause publicitaire. Alors, de retour après la pause. What kind of music is this? Death metal. I don't get this new stuff. New? Are you kidding me? These guys got everything they know from the marauding Visigoth warriors. You know, the Dark Age. What? The Dark Age! 600 years of degenerate, godless, inhuman behavior. The Dark Ages, March 4th at 9, only on the History Channel. Quoi? Ça joue plus Dark Ages? C'est pas grave, on s'en fout. J'adore cette pub, je pouvais pas m'en empêcher. Que voulez-vous? Sans plus tarder, voici cette entrevue avec Stephen O'Henry de Urban Aliens. Bon, nous sommes en direct du musée du Rock'n'Roll, où nous avons bravé intempéries et cônes oranges à travers la planète Montréal pour parler à nul autre que Stephen Henry. Live du musée du Rock'n'Roll durant l'exposition de l'ère métal, quand je suis là. Et je te reçois, mon cher Tower of Death! Mais merci bien, au 2222 Ontario, c'est bien ça. Yes. Ouais. Ma première question, avec Urban Aliens, vous allez ouvrir pour le show de Cataclysm, qui va être en fait le show de clôture de BCI, c'est au Corona, hein? Oui. Oui, on va faire un pestacle vendredi 13 au Corona avec Cataclysm, Belphegor, Necronomicon et Ashes of Eden. Les trois premiers groupes qui rouvrent, c'est pas mal ceux qui ont supporté Melul et BCI. Les crews, on pourrait dire, les stagehands puis les loaders, ben ça consistait pas mal les gars de Ashes of Eden, moi, puis Robin Tremblay de Necronomicon, Rob the Witch. Fait que ça fait comme une belle finition. On va finir ça en beauté en famille, je pense bien. Le seul band qui est comme un petit peu intrus, ce serait Belphegor de l'Autriche. Mais avec Helmut, on est bien certain de se divertir. Il est assez vulgaire comme personnage. Moi, j'ai bien rigolé avec ce gars-là. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Vous avez fait un enregistrement. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le studio que vous avez fait là pour le band Urban Aliens? Pour faire une petite histoire courte, mais le band a été comme en hiatus de 2 ans. On a eu un changement de batteur, puis on a voulu prendre un break, se focusser sur un album. Mais entre-temps, notre nouveau batteur allait avoir un deuxième enfant, fait qu'on a comme un peu précipité les choses à faire un EP. Et on a comme fait 6 tunes plus un cover. On a sorti ça comme en mars. On était supposé de sortir ça en mars, mais ça sort ça en mai, malheureusement. Mais on a fait 3 spectacles depuis. Et ironiquement, on va en faire 4 en dans 2 mois. Fait que ça va être moins pire qu'on pensait. On pensait qu'on aurait fait une année poche de show brun. Mais là, on va rajouter 4 autres show bruns, dont celui la semaine prochaine, le 7 novembre à Rouen. Oui. À la scène Évolution, que j'ai jamais été, avec Diagonis et Sismic, groupe local. Ça va être le fun. J'ai bien hâte d'aller retourner dans ton patelin, malheureusement. Tu y vas-tu souvent? J'allais dire, on va-tu se voir là-bas? Ou? Je penserais pas, en fait, mais mes visites sont quand même assez rares. C'est à peu près aux 6 mois que je me rends dans le secteur 08. Secteur suprémaciste 08. Exactement. Outre les festivités qui vont entourer, si on veut, la clôture de BCI, est-ce qu'on peut, au niveau de la scène elle-même, du stage pour Urban Aliens, est-ce qu'on peut s'attendre à des surprises ou quelque chose en particulier? Il va en avoir, mais comme Urban Alien est un groupe qui est très spontané et un peu décousu des fois, on a sûrement peut-être notre grand ami Ferglant qui va venir faire une petite prestation, je veux dire, jouer avec nous, dire des horreurs dans le micro. Peut-être même Nounia, Dejdanyol va venir faire son tour. Et qui d'autre? Peut-être Nick de Dick qui va venir faire son tour, je sais pas. On va voir ça selon le moment. Qu'est-ce qu'on sait, c'est qu'on va jouer les tunes back-à-back, puis essayer de jouer le plus de rock possible et faire le plus de moron possible. Et nous, on va essayer de traumatiser le monde le plus possible. C'est toujours dans le plus possible qu'on peut faire. C'est-tu plus possible? En tout cas, arrivé tôt pour constater. Tu es un observateur de longue date de la scène ici. Comment tu perçois l'accomplissement de Stéphane Mellul avec BCI pour 21 années de booking de groupe international ici à Montréal? Comment tu vois ça, la clôture de tout ça? Finir BCI au bout de 21 ans, c'est assez dur de dire ça en quelques phrases, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Moi, quand j'ai commencé avec BCI, c'était déjà Stéphane avait déjà comme établi un peu son idée de faire des spectacles. Il en faisait dans des petites salles et a commencé avec Cannibal Corpse, comme tout le monde sait, en 94-95. Et moi, j'étais là. À partir de là, ça a évolué. Fait que c'était magique. Je veux dire, j'ai comme grandi là-dedans à apprendre un peu tout. Je savais pas vraiment faire de l'éclairage, vraiment, puis j'en ai appris. J'ai avancé un peu dans le DJ, dans la technique, dans l'adversité, dans tout, parce que, je veux dire, ça n'a pas toujours été des shows roses. Il y a eu beaucoup de brun, il y a eu des fucks, de tout genre. Mais là, il faisait venir des bandes qui ont jamais venu au Québec. On va parler de Dimmu Borgir, on pourrait parler d'Emperor, on pourrait parler aussi de plein d'autres bandes. Manowar est venu. Que ça finit de même, ouais. Ça me fait chier, mais je comprends la situation. Surtout que là, déjà, Evenco prend beaucoup de place, Extensive aussi. Stéphane est rendu à LA. C'est assez dur de tout le temps gérer ses affaires à distance de même. La compétition est forte, puis... je sais pas quoi dire d'autre que ça va finir en beauté. On va faire ça, on va faire un gros bang. On va sûrement finir ça au catacombe, dans une flaque de vomi. Ça promet, c'est le 13 novembre prochain. Alors, mais merci beaucoup, Steven, pour la visite au musée, puis pour cette entrevue. Ben merci, Sylvain. J'espère que ceux qui vont écouter ça vont avoir rigolé. Essayez de venir de bonne heure pour le show du 13. Ashes of Eden, Rouve, Urban Alien en deuxième, Necronomicon en troisième. Cataclysme, qu'eux autres, ils sortent leur nouvel album. Ils soulignent le nouvel album, dont 10 vidéoclips qu'ils ont fait. C'est mon gars, là. Ça va être fou. Ça va être fou. Ouais. Bon, soyez au rendez-vous, ça promet. Continue tout droit. Ah, mais voyons donc. Dans 200 mètres, tournez à gauche. Yes. Tournez à droite. Tournez à gauche. Continuez tout droit. Tournez à gauche. Tournez à gauche. Mais c'est ça, tabarnak! Petite GPS de merde! Continuez tout droit. Hé, y a quelqu'un là-bas? Hey, excuse! Il est où la petite chalet? Ben là, quoi? Vous pouvez manger? Yeah! toi! Le concepteur du message subliminal est parfaitement conscient de l'objectif qu'il veut atteindre, à savoir une révolution en profondeur capable de toutes les subversions. Version 2015 avec Halothane Glow de l'album, tout nouvel album de Cryptopsy, The Book of Suffering, tome 1, paru le 30 octobre dernier. Ça se veut être un EP, c'est une des pièces consistantes de ce mini-album. Très bon matériel de Cryptopsy. On ne revient pas aux années 90 comme on avait entendu parler que peut-être que... Mais quand même, j'entends ici et là des soubresauts de N. Daniel Begg, qui est définitivement mon album favori de ce band. Et Oui, The Book of Suffering, tome 1, a été produit par Chris Donaldson, le guitariste, au studio The Grid à Montréal, mixé par Jason Sukoff au Audio Hammer Studio de Sanford en Floride, et masterisé une fois de plus par Alan Dutches au West West Side Studio de New York. Et parlant de lui, Alan Dutches est spécialiste dans le mastering essentiellement, crédité pour son travail avec pas moins de 250 groupes métal. Il a notamment travaillé sur des albums de Neuraxis, Martyr, Cataclysm, The Spies Icon et Beneath the Massacre. Sans parler évidemment des Black Dahlia Murder, Believer, Suffocation, Death, Flotsam and Jetsam, et on en passe. Donc, encore une fois, une belle collaboration, et Cryptopsy savent bien s'entourer quand vient le temps de nous pondre un produit. Il faut s'attendre à, évidemment, ils prennent cette fameuse nouvelle direction qu'on voit souvent les groupes empruntés de nos jours, c'est-à-dire de sortir du matériel plus rapidement, de façon indépendante. Et donc, on aura plusieurs tomes apparemment pour le Book of Suffering. Donc, c'est à surveiller pour Cryptopsy. Avant Cryptopsy, évidemment, on avait eu Urban Aliens avec Buried Under the Chalet de 2015, de l'album 7 tonnes d'épais paru le 14 mai de cette année. Urban Aliens, d'ailleurs, qui seront en concert, qui sont en concert ce soir même à Rouyn-Noranda, et vendredi prochain, le 13, au Corona, avec Cataclysm et Necronomicon, entre autres, et le 5 décembre à Trois-Rivières. Pour plus d'informations, urbanaliens.com. C'est un quatrième album pour Urban Aliens, en passant. Donc, ça passe vite. On aura le temps de cette nouveauté de Abyssal qui a été encensée par notre ami blogueur Guillaume Gagnon, alias Sinistro, sur le hurlemort.com. C'est un site référence vraiment pour en la matière de plusieurs formes musicales. Et avant ça, tout d'abord, Fintroll, avec une pièce de l'album Nifelvind, Et Norskensdad. Vous êtes toujours sous l'emprise de Subversion, le Metal Show. Yeah! Dead, it's gone, it's dead, I'm a duck of life, all this. écoutez Subversion sur Underground Québec Radio. Et on doit se quitter sur cette musique très insécure de Abyssal, la pièce I Am the Alpha and the Omega de Anti-Catastasis de 2015, précédée de Finn Troll avec Earth Norskensdad de l'album Nifelvin de paru en 2010. La semaine prochaine, on aura une entrevue avec Luc Lemay de Gorguts, tout frais revenu de New York pour l'enregistrement de l'album et le mixage également. Et on aura évidemment plus de musique subversive. Alors, spread the word pour Subversion. Page Facebook, Subversion Metal Show, SoundCloud pour la balado diffusion. Alors, merci encore une fois d'avoir été au rendez-vous. Salut.